Les grands feuilletons de France Culture. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Bonsoir, messieurs. Je vous attendais. J'arrive à l'instant pour vous souhaiter la bienvenue. Vas-y, marbre. Décidément, vous êtes vraiment comme un coq en pâte, vous, au château. Oh, ben, tout comme vous, mon cher. Il faut avouer que nos hôtes savent recevoir, en dépit de ces affreuses circonstances. Les repas me sont servis dans ma chambre par le maître d'hôtel à chaque fois que je le souhaite. Je suppose que vous avez les mêmes facilités, mon cher Rouletabille. Oui, naturellement. De plus, j'avoue que je suis sensible à ces petites visites que nous nous rendons mutuellement. Ça agrémente les soirées. Hein. Eh bien, à table, messieurs. Oui, pardon. À table. Prenez place, je vous en prie. Ici, mon cher Rouletabille. Merci. Maître. Merci. Eh bien, terrine de lièvre, pain de campagne, filet de chevreuil froid, sauce poivrade, salade, plateau de fromage. J'ai demandé un chablis, ça va avec tout. Eh bien, à nos couverts. Mon cher, nous vous tiendrons tête avec plaisir. Messieurs, bon appétit. Alors, messieurs. Tout va comme vous voulez. Eh bien, au risque de vous faire sourire, je dirais que le bout de la raison aidant, le mystère s'éclaircit de lui-même. Oui. Et vous, maître Sinclair, peut-on savoir ce qui vous a amené dans cette affaire? Moi, à vrai dire... Dites un petit cornichon avec la terrine, Sinclair. Oui, oui. Ouais. Merci. Là, il veut dire, à vrai dire, c'est sa curiosité naturelle. Pour un avocat, c'est bien normal, n'est-ce pas? Ah, tout ce qu'il y a de plus normal. Sinclair est venu me trouver pour parler de cette affaire. Je l'ai retenu et je lui ai proposé de m'aider un peu dans un travail délicat. Ah, j'ignorais que vous travailliez ensemble. Oh, ce filet de chevreuil avec un doigt de chablis. Laissez-moi vous dire, c'est divin, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que je dis? Ah oui, je disais... À l'époque, le journal qui m'emploie m'a confié une chose importante à livrer ce soir à Paris. Vous savez que le journal tombe dans la nuit pour être demain dans les kiosques. En effet, oui. Alors, c'est donc mon bon ami Sinclair qui va me rendre le service de faire le coursier. Il prendra le train de 23 heures en portant un inoubliable chef-d'œuvre, hein, comme qui dirait directement de l'auteur au lecteur. Alors, vous n'aurez fait qu'un aller et retour, mon cher maître. Oui, mais je reviendrai. Je ne crois pas être indiscret, puisque les journaux répondront demain matin à cette question. En vous demandant la teneur du chef-d'œuvre confié à Maître Sinclair. Oh, du tout, si vous voulez, c'est une sorte de... Une sorte de feuilleton retraçant les principaux épisodes des mystères du château du Glandier. C'est intéressant, non? Ah, passionnant, vous voulez dire une goutte de vin? Ah, encore une petite larme, oui. J'avoue que... Non, j'ai encore à travailler avant l'heure du train. Et vous, maître? Non, non, merci, moi, pas pendant les repas, parce que je suis au régime. Oh, Dieu, que c'est triste. Alors, une autre tranche de chevreuil? Ça, volontiers, ça, alors. J'ai rarement mangé une viande de cette qualité. Un des apanages de la Venaison. Mmh. Oui, expert en gastronomie, en plus, mon cher Larsan, vous êtes le pic de la Mirandole de la Sûreté Nationale. Ah, eh bien, non, justement, non. Et j'aimerais vous consulter, mon cher Rouletabille, sur des détails qui m'intriguent un peu. Je vous en prie. Eh bien, à votre avis, que vient faire Sir Arthur Rance au château du Glandier? Désolé, Larsan, là, je me pose exactement la même question que vous. Réponse? Pas de réponse. Je sais, comme vous sans doute, que Sir Arthur est américain, phrénologue, et qu'il vit à Philadelphie. Oui, qu'il est très lié au Stangerson. Qu'il est lié au Stangerson, certes, mais justement... De quelle façon? Pourquoi? Depuis combien de temps? Ah, est-ce possible? Le grand Frédéric Larsan en panne d'informations. Oui, j'ai l'habitude de traiter le mystère par larges morceaux. Je suis incapable de faire de la broderie sur une frange. Ah oui, d'accord. Et ça, Arthur fait partie des franges. Ce n'est pas votre avis. Allez donc savoir. Pour moi, c'est un... C'est un personnage secondaire, un joli second rôle, mais sans réel intérêt pour la pièce, car... Oh, excusez-moi, je ne sais pas, j'ai une sorte de malaise. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes souffrant? Non, non, mais... non, je pense que ça ne sera rien. Mais peut-on faire quelque chose? Non, merci, merci. Non, il me semble que ça va mieux. Ah... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je crois... Merci, Rouletabille. Je crois, mon cher Rouletabille, que nous n'avons plus grand-chose à faire au Glandier, vous et moi. Je crois que nous allons bientôt quitter nos jolies chambres. Oui, c'est aussi mon avis. Ah, vous pensez comme moi que l'affaire est finie, hein? Je crois en effet que l'histoire se termine, oui. Le mystère n'a plus rien à nous apprendre. Et naturellement... Vous avez un coupable. Tout comme vous. Est-ce le même? Ça serait trop beau. À moins que vous n'ayez changé d'idée depuis 48 heures. Non, voyez-vous, Larsan, je suis intimement persuadé de l'honnêteté profonde de Robert Darzac, moi. C'est vrai? Oui. Vous en êtes sûr? Ah, c'est vraiment très ennuyeux. Quoi, parce que vous êtes persuadé du contraire? En effet. Alors? Chacun pour soi? Chacun pour soi, mon cher Rouletabille. Ça ne me déplairait pas de vous faire mordre la poussière. Oh, je n'en doute pas. Un seul instant. Ah, jeunesse. On peut dire que vous avez tous les culots. Oui, tous les culots. En tout cas, merci, monsieur Larsan, de nous avoir conviés à ces agapes. Ce soir, Lucullus dîne chez Larsan. Oh, maître. La flatterie, avec vous, prend des quartiers de noblesse, mais... Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, ma poitrine. Ah, c'est comme tout à l'heure. Aidez-moi, je crois que je vais... Soutenez-le, Sinclair, soutenez-le. Mais qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez mal quelque part? Parlez. Oh, c'est une douleur intolérable. Terrible. Je crains qu'on m'ait... Qu'on m'ait empoisonné. Vous empoisonnez, mais... Enfin, c'est ridicule, comment... Vous avez des nausées, précisez vos douleurs. Larsan, répondez. Et il a perdu connaissance? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Enfin, si le dîner était empoisonné, c'est... Enfin, c'est ridicule, puisqu'on a, on a mangé tous la même nourriture. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Pardon, Sinclair. Ah bon, vous voulez l'ausculter? Alors? Chut. Mon bon maître, à cette frayeur, le cher Larsan se porte comme vous et moi. Ah bon? Oui, à la seule différence qu'en ce moment, il dort comme une souche. Et le bourdon de Notre-Dame n'arriverait pas à le réveiller. Comment ça? Mais comment, je ne sais pas encore, mais pour dormir, il dort. Alors, laissons-le. Oui. Allez, venez, on s'en va. Vraiment insensé, du narcotique pour Larsan. Alors Mathilde a décidé d'endormir tout le monde. Mais c'est pas impossible, on marque bien. Ah oui, mais alors nous, Joseph, nous, comment est-ce qu'on l'a absorbé, ce somnifère, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà en train de dormir? Vous vous sentez pas bien? Hein? Ah si, moi je suis en pleine forme. Ah, bon. Pas sommeil? Mais pas une seconde. Bon. Eh bien alors, mon cher ami, nous avons tout le temps. Vous de fumer cet excellent Havane et moi de réfléchir à l'aide de ma... vieille et fidèle pipe. Voilà. Digérons confortablement et laissons nos idées vagabonder un peu. Nos chères cellules grises en ont un sérieux besoin. Sinclair. Chut. Plus un bruit. Oui. Enlevez vos chaussures. Comme moi, tout doucement. Voilà. Vous avez le revolver? Vous pensez tout de même pas que je vais laisser traîner dans un cendrier? D'accord. Bon, je suppose qu'il est armé. Oui, monsieur. Voilà, Sinclair, c'est l'heure. Je sais bien que ça n'a rien d'amusant, mais il est temps de gagner votre placard à balai. Bon. Aller à des sentiments aussi affectueux à mon égard. Donc la situation est grave. On ne faut pas désespérer tout de même. Bien. Il est sûrement en place, alors je vérifie l'embrase du rideau au bout de mon doigt. Ouais. Archi facile. Alors, la porte d'Arthur Rance. Tiens. J'aperçois de la lumière. Sir Arthur n'est pas couché. Mais qu'est-ce qu'il fait au château s'il n'a pas dîné avec les Stangerson? Vraisemblablement, Mathilde ne lui a pas administré sa petite dose de rêve en tout genre. C'est bizarre, ça. Bon, eh ben, je ferme la porte du réduit. Et je m'installe. Voilà. Vue imprenable sur l'événement. Attendons. Thank you. 11 heures. Est-ce que c'est long? D'ailleurs, c'est surtout long quand il ne se passe rien. Il est vrai que Joseph m'a dit qu'il ne se passerait sûrement rien avant minuit, 1 heure du matin. Je ne vois personne. Oh, quelle saleté cette bestiole. Mais chaque fois qu'elle a jeté son cri, il y a eu un drame aux glandules. Oh. Un homme sort de la chambre avec un gros ballot sous le bras. Qui est-ce? Oh nom de Dieu, le garde. L'homme vert, dans la chambre de Sir Arthur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, pas possible. Oh, c'est un signal. Bon. Il dépose son ballot. Et il se dirige vers la seconde fenêtre de la galerie. Qu'est-ce que tu dis? Il remue les bras comme un sémaphore. Oh, doute, c'est un signal. Est-ce que je dois prévenir Rouletabille? Est-ce que c'est ça qu'il attendait? Bon, la consigne, c'est la consigne. Moi, je défais le rideau. Tiens. Le garde descend l'escalier. Au lieu d'aller chez mademoiselle. Enfin, Rouletabille est prévenu. Hein. Maintenant, ils vont se croiser. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait, mon petit Joseph? Joseph? Bon, ben, c'est foutu, je vais le chercher. Joseph est tendu de tout son long. Mais ma parole, il dort. Ah, je me brûle. Joseph! Joseph, réveillez-vous! Ben, on l'a endormi comme Larson. Bon, tant pis, il me reste les gifles. Hein. Allez! Allez! Debout! Debout! Oh, c'est curieux, quand même. Je devrais dormir aussi, moi. J'ai dîné de la même façon que les deux autres. Allez, debout, debout. Ah, j'y suis. À cause de mon régime, je ne bois pas en mangeant. Bon, j'allume la lampe. Voilà. Et au grand mot, les grands remèdes, le brodo. Très bien. Désolé, mon petit Joseph, c'est indispensable. La femme. Oh. Ok, qu'est-ce que c'est? Ah, enfin, il se réveille. Ah, qu'est-ce que... Ah, j'ai horreur des douches le soir. Hein? C'est qui est là? Ah, c'est Sinclair. Enfin, je vous retrouve. Chut, tout ce que vous voulez, Sinclair, mais pour l'amour du ciel, moins de bruit. Bon, vous pouvez vous lever, hein, Joseph? Ah, si vous m'aidez, ça ne fait aucun doute. Ah, c'est pas possible d'avoir autant sommeil. Ouais. Sinclair. Oui. Relez-moi. Relez-moi un service de première nécessité, vous voulez bien? Ah oui, évidemment. Pincez-moi. Voilà. Ah oui, bon, oui. Bon, allez, soyons sérieux. Oh, Sinclair. On m'a endormi. Oui. Alors là, je vais manquer de modestie, Joseph, mais je l'aurais trouvé tout seul, ça. J'ai lutté au moins pendant un quart d'heure, et puis, va te faire fiche, j'ai pas pu résister. Allez, maintenant ça va mieux, c'est fini. Bon. Vous restez avec moi, Sinclair. Ouais. Mathilde ! Vite, Sinclair. Pourvu qu'il ne soit pas déjà trop tard. Joseph ! Joseph, le voilà ! Tirez, Sinclair ! Tirez, mon vieux ! Ah ! It's you, gentlemen ! What happened ? Sir Arthur, l'assassin est en bas dans le vestibule. On nous l'envoie par la fenêtre. Come on, come on. Ailleurs, ma guerre. Voilà, j'ai ouvert la fenêtre. Je vois qu'il est en bas. Arrêtez où je tire. Il est touché, j'en ai vu trébucher. Tout le monde en bas, on l'a vu. Ah, désolé, Sir Arthur. Mais il continue, ça, il va nous échapper. J'ai pas dit mon dernier mot, laissez-moi la place, Sinclair. Bernier, c'est moi, Rouletabille. Il va passer sur votre droite, tirez, c'est un ordre. Ça y est, il est tombé. Enfin, faut dire que Bernier l'a tiré avec de la chevrotine et ça, au moins, ça pardonne pas. Bon, allons jusqu'à l'aile droite, Sinclair. Venez, je vous invite. Par ici. Venez par ici. Il doit être par là. Personne n'a pensé à prendre la lumière. Cet idiot, il fait si noir. Mais que se passe-t-il, monsieur? Que veut dire ce vacarme? Ah, c'est vous, Rouletabille? J'ai entendu des coups de feu. Larsan, nous avons abattu l'assassin. Non, oh, c'est fantastique. Il est mort? Sûrement, pour l'instant, on le cherche. Il fait totalement noir. Eh bien, ramenez-le au château. Bien sûr. Bernier. Vous êtes là? Oui, monsieur Joseph, même que j'ai le pied sur l'assassin. Ah, parfait, oh, parfait. Écoutez, prenez-le par les épaules, Sinclair et moi, nous allons le prendre par les pieds. Oui, et voilà, monsieur Joseph. Allez. Oh. Et dire que nous ne savons même pas comment il est fait à cause de l'obscurité. Ridiculous. Un peu de patience, Sir Arthur, portons-le directement à la chambre du garde. Là, nous serons fixés. En tout cas, il est sacrément lourd, le vilain. Ça va, Sinclair? Un peu de courage, Bernier, nous y sommes. Sir Arthur, voulez-vous frapper chez le garde, s'il vous plaît? Oh, certainement. My young fellow. Hello. Anybody here? Hello. Open the door, please. Ouvrez la porte. Ouais, ben, j'ai l'impression que le garde est partout, sauf chez lui. Pardi, c'est logique. Avec les cris, les coups de feu, il serait déjà dehors. Ou alors, il a le sommeil très lourd. C'est pas tout ça, mais... Qu'est-ce qu'on fait, là? Bon, ben, on va porter le corps jusqu'au vestibule du château. Frédéric Larsan nous y attend. Allez, en avant. Écoute, Joseph, ça vous paraît normal, tout ça, vous? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que nous tenons l'assassin. Enfin, ce qu'il en reste. Le carpon est mort. Il est mort. C'est vrai, ce que dit monsieur Larsan? Vous l'avez eu? Oui, père Jacques, c'est exact. C'est Bernier qui l'a achevé avec de la chevrotine. Rendez-nous un service, père Jacques. Retournez au château, cherchez une lampe. Nous resterons en bas du perron. D'accord. Et je cours devant. Oh, pensez-vous qu'elle faille prévenir mademoiselle Stangerson? Bon, elle sera toujours prévenue assez tôt, allez. Et dites-moi, on pourrait pas s'arrêter 3 secondes. J'ai plus 20 ans, moi. Ouais. Tenez, donnez les jambes à maître Sinclair et venez prendre un bras, c'est moins dur. Bah oui. Dites, Joseph, moi je suis avocat, moi je suis pas briseur de chaînes. Oh, laissez-moi faire, je n'ai pas encore participé. Et le vieux Rance ne l'est pas autant qu'on pourrait le croire. Comme vous voulez, ça va, Arthur. Allez. D'ailleurs, on est presque arrivé, alors. Le maître. Allez, par ici. Par ici, voilà la lumière. Ah, nous allons enfin savoir. Père Jacques, éclairez le bas des marches, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, j'y suis. Ben, du gibier comme ça, moi je vous le dis, hein, je le laisse sur place, mais j'en peux plus. Ça y est. Bon, approchez la lampe. Voilà. Ouais. Posons-le par terre, là. Oh. Ah. Oh, bah ça, alors. Mais c'est incroyable. Le garde. L'homme vert. Alors, Ultami, qui est-ce? Ben, regardez. Et profitez, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Hein? Oh, diable. Mais c'est le garde. Ouais. Non, c'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire tout simplement que nous avons abattu le garde du château, l'homme vert des Stangerson. Non, mais je vois très bien, maître, mais ça n'arrange pas du tout ma théorie, ça. Ça, c'est incompréhensible. C'est acheter sa tête au chien. Oh, ben, dis donc. Oh, ben, le pauvre vieux. Ah, ça, c'est sûr que c'est une erreur, ça. Mais... Ah, monsieur, c'est effroyable d'avoir fait une chose pareille. Mais toi, Bernier, tu l'as tiré à vue, donc. Ah, non, je l'ai eu au son. Oh, ben. Oh, le pauvre bonhomme. Ah, oh, ben, je sais qu'il avait un sacré nom de Dieu de foutu de caractère de cochon, mais. Oh, mais c'était pas le méchant bougre, pour sûr. Alors, monsieur, je suis certain que c'est pas cet homme-là qui aurait imaginé dans sa tête d'assassiner cette pauvre mademoiselle Stangerson. C'est... Ah, c'est un malheur, pour sûr. Ah, pour sûr, ça, c'est un malheur. Bon, bon, ça suffit, Père Chacun. Il y a toujours une raison à tout. Joseph. Oui, Sinclair. Le garde. Oui. Eh bien, ben, je l'ai vu sortir de la chambre de Sir Arthur Rance il y a environ une heure. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, l'homme vert était chez Sir Arthur il y a une heure et il portait un ballot sous le bras. Un ballot sous le bras. Tiens donc, Sinclair, pas un mot de tout ceci, qui que ce soit. Père Jacques. Oui, monsieur Rouletabille. Amenez donc votre lampe par ici, je voudrais examiner la victime. Vous permettez, monsieur Larson? Ah ben, je vous en prie, faites donc. Je le tiens comme ça? Oui, c'est ça, c'est parfait. Oui, remarquez ici. Je sais pas que je débordais d'amour pour cet homme-là, mais... Non, mais quand même, je dis que c'est un grand malheur. Ah non, écoutez, je vous en prie, Pierre-Jacques, tout le monde sait que vous détestiez le garde, alors modérez vos épanchements. Hein? Quoi, qu'est-ce qu'il veut dire avec mes épanchements? À mon avis, dites-te taire. Mais de quoi je m'en mêle? Chut, Bernier, soyez gentil, dégrafez la veste du garde, s'il vous plaît. Faites doucement. Hein. Vous croyez vraiment que... C'est indispensable. Bon, ben... Comme vous voulez. Je vous laisse procéder, mon cher Rouletabille. Vous n'avez pas besoin de moi. Non. Néanmoins, vos lumières seront les bienvenues. Ouais, c'est fait. Voyons ça. Ouais. Sinclair. Oui. Vous avez tiré sur lui? Ben oui, deux fois. Sir Arthur. Yes, my boy. Vous avez tiré aussi, n'est-ce pas? Oh, par la fenêtre, deux fois, il a accusé le coup. Hein. Bien, Bernier. Oui, monsieur. Quand j'ai crié, vous avez tiré sur l'ombre. Vous avez tiré deux chevrotines. Deux coups, et même qui s'est écroulé en tournant le mur. Monsieur Larson, oui. Vous l'avez examiné comme moi, n'est-ce pas? Oui, exactement comme vous. Bien, monsieur le garde qui a reçu deux coups de revolver de maître Sinclair, qui a accusé un autre coup tiré par Sir Arthur Rance, et qui ensuite a reçu deux chevrotines de Bernier, est mort. On était sûr. Oui, mais il est mort d'un coup de couteau dans la poitrine. C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 17e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Larsan, François Mestre, le père Jacques, André Weber, Sir Arthur Rance, Philippe Clay, Monsieur Bernier, Gabriel Gobin. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 23 août 1983. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. À suivre demain à la même heure.